ascension. La montée miraculeuse, Christ monte vers le Père qui l'a achevé sa mission. Après qu'il eut tout accompli, laissant place au Saint-Esprit, enfin qu'il vienne en son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse des dieux. Ascension, la montée miraculeuse, Christ monte vers le Père qui l'a achevé sa mission. Après qu'il eut tout accompli, laissant place au Saint-Esprit, enfin qu'il vienne en son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse des dieux. Le voici, il l'a apportant la solution au problème qu'il aura trouvé. Pour contempler ta sainteté, car ta présence me rassure en tout temps et à toutes circonstances. Alléluia. C'est que tu es là, Esprit des dieux. Lui qui est couronné de gloire. Mon âme t'aime. Et revêtu de majesté. Mon âme t'aime. Le seul que nos cœurs contemplent, le Saint d'Israël. Je sais que tu es là. Canas aux yeux innombrables, Jésus. Mon âme t'aime. C'est toi, Jésus.